بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رأينا فيما سبق أن العلماء اختلفوا في مسألة الاتجاه نحو القبلة حال قضاء الحاجة على أقوال. Nous avons vu durant les cours précédents que les savants ont divergé concernant le sujet lié à l'accomplissement des besoins, si nous pouvons nous mettre face à la Qibla, dos à la Qibla, ou pas. Nous avons vu plusieurs avis. Hein ? Trois avis. Alors, lesquels ? Un avis où c'était permis de les faire à l'intérieur des bâtisses, mais pas à l'extérieur. Naam, un avis. Donc c'est permis à l'intérieur des bâtisses, mais pas à l'extérieur. Ça, c'est l'avis de Al-Jumhur. Ok. Deuxième avis. Un avis qui disait que c'était permis, que c'était interdit dans tout endroit, c'est-à-dire à l'intérieur des bâtisses, mais aussi à l'extérieur. Naam. Ça, c'est l'avis de Abu Hanifa. Abu Hanifa, exactement. Donc l'avis d'Abu Hanifa, c'est interdit partout, à l'intérieur des bâtisses et à l'extérieur. Et le dernier avis qu'on a vu, c'était l'avis de Daoud al-Zahiri. Daoud al-Zahiri, non. Lui, permettait dans tous les endroits. Il permettait totalement. Et on va noter Qawlun Akhar, wa huwa ikhtiyar al-Allama ibn al-Uthaymin, rahmahullah. Et donc on va noter un quatrième avis, c'est l'avis qu'a choisi l'érudit ibn al-Uthaymin. Vous vous rappelez, je vous avais dit, on doit bien se rappeler. Mémorisez bien la distinction dans le hadith d'Ibn Omar. Ibn Omar, il a cité que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accompli ses besoins dans quelle direction ? Dos à la Qibla. Ok ? Mustadbir al-Qibla, Mustadbir al-Shem. Et donc, il était donc dos à la Qibla en direction du Shem. Voilà pourquoi Ibn al-Uthaymin, il dit, rahimahullah, que La yajuzu mutlaqan istiqbalu al-qibla wa istidbaruha fi as-sahra. Il dit que Ibn Uthaymin, il n'est pas permis à l'extérieur d'accomplir ses besoins face ou dos à la qibla. Ça, c'est à l'extérieur. Mais à l'intérieur, il nous dit que c'est permis de nous mettre dos à la qibla. Et pas face. Pourquoi ? Parce que le hadith d'Ibn Omar. Ok ? Donc ça, c'est les quatre avis donc par rapport à ce sujet. Et je pense que ça suffit donc comme ça, comme avis sur le sujet. Bi'idhnillahi ta'ala. Et comme vous pouvez le constater, c'est une grosse divergence entre les ulema. Naam. ثم قال المؤلف رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. Et donc l'auteur il dit ensuite, selon Anas ibn Malik رضي الله عنه, qui dit le prophète صلى الله عليه وسلم, il rentrait dans le lieu d'accomplissement des besoins et je portais, moi et un autre jeune, un autre enfant comme moi, idawatan, c'est-à-dire un petit récipient d'eau. Un petit récipient d'eau, ainsi qu'une petite lance. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il se purifiait après l'accomplissement des besoins avec l'eau. Wa hadha al-hadith fihi jawazul istinja bilma. Ce hadith montre la licéité du fait de se purifier avec l'eau. Et ça, on l'a déjà vu au tout début. Les premiers cours qu'on a vus, on avait abordé ce sujet. Amma al-anaza, tandis que la petite lance, le fait que Anas, il amenait la petite lance au prophète sallallahu alayhi wa sallam, fait qu'alatil ulama, kana yadribu biha al-ard, inda al-haja, litakuna layyinatan, hatta la yartadda alayhi al-baul. Et donc les savants, ils ont dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il tapait sur la terre avec cette petite lance, il frappait dessus, afin de la rendre moins ferme. Parce que la terre, quand elle est trop ferme, l'urine peut éclabousser et revenir sur les vêtements de celui qui fait ses besoins. Et donc, pour éviter cela, les savants disent que le prophète, il faisait cette démarche pour adoucir la terre ou la rendre moins ferme. وَذَكَرَ النَّوَوِي إِسْتِحْبَابَ هَذِهِ الْعَمَلِيَّةِ. Et donc, النَّوَوِي, il a cité donc que cela est recommandé. Et donc, nous devons faire attention au lieu dans lequel nous accomplissons nos besoins. Est-ce que c'est un lieu qui est trop ferme? Est-ce qu'il y a des risques que l'urine revienne sur nous ou sur nos vêtements? Il faut faire attention à cela. Et d'ailleurs, on va aborder le sujet dans ce même cours, Inch'Allah ta'ala. ثم قال المؤلف ensuite l'auteur il dit عن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الإناء. Et donc ensuite l'auteur il nous cite un autre hadith selon أبي قتادة الحارث بن ربعي رضي الأنصاري رضي الله عنه que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que aucun d'entre vous ne tienne son pénis avec sa main droite lorsqu'il urine et que aucun d'entre vous ne se nettoie les parties après les selles avec la main droite, c'est-à-dire avec la main droite, les savants ils ont dit directement ou aussi avec les pierres. Donc soit directement, soit avec les pierres. L'interdiction donc de le faire avec la main droite. On avait déjà vu ce sujet aussi, de le faire avec la main droite, dans le hadith de... Hadith de... Salman al-Farisi. Ok ? وَلَا يَتَنَفَّسْ فِي الْإِنَى. Et qu'aucun d'entre vous ne souffle dans le récipient. ذَهَبَ الْجُمْهُورِ إِلَى أَنَّ النَّهْيَ هُنَا لِلْكِرَاهَ. La majorité des savants voit que l'interdiction ici montre un aspect détestable. C'est-à-dire que ce n'est pas formellement interdit. C'est détestable de se tenir les parties avec la main droite lorsqu'on accomplit nos besoins. Wa dhahaba Abu Hanifa wa dhahiriya ila tahrim. Et Abu Hanifa ainsi que al-Dhahiriya, ils voient que c'est blâmable. J'attire votre attention, les frères, sur un point important. C'est que, souvent, certains vont injustement dénigrer certains madhahib. Comme le madhhab de Abu Hanifa ou al-Zahiriya. On ne va pas défendre les erreurs présentes. Il y a certes des erreurs quant au fait de s'opposer au texte ou au fait de rejeter toute analogie, etc. On ne va pas défendre les erreurs. Cependant, cela ne veut pas dire que le madhhab est totalement faux. Cela ne veut pas dire que les savants qui ont suivi cette école, cette jurisprudence, cette école, ont tout le temps tort. Parce que parfois, quand on parle avec les frères, et qu'on cite un avis où il est clair que cet avis est faux, souvent les frères, ils ont le réflexe de dire « Ah, ça c'est Abu Hanifa. C'est Abu Hanifa, ça. C'est Abu Hanifa. » Ou alors « Ah, ça c'est al-Zahiri. » Alors que, non, attends. Prends ton temps. Il se peut que non, ça soit un autre madhhab. Et donc, il faut faire attention à ne pas critiquer injustement. La critique fondée est correcte. Lorsqu'un savant se trompe, on dit qu'il se trompe. On n'a pas le droit de dire non, il ne s'est pas trompé, etc. Non, s'il se trompe, il s'est trompé. Mais par contre, l'accuser injustement, non, ça c'est incorrect. Il faut qu'on fasse attention à cela. Et cela fait partie du fait de respecter aussi les gens de science. Et donc Abu Hanifa et al-Zahiriya, ils voient que cela est totalement interdit. Et le Cheikh al-Najmi, rahimahullah, il voit que l'avis le plus juste en cela, c'est at-tahrim, c'est que c'est totalement interdit. Pourquoi ? Al-jumhur, qalat al-jumhur, an-nahyu ja'a muta'alliqan bil-adab. Idhan, idha kana an-nahyu fil adab fayufidu al-kiraha. Ils disent que l'interdiction, elle est venue dans un sujet qui est lié au comportement, aux bonnes mœurs, bon comportement à adopter aux toilettes. Et ils ont dit, la règle c'est que lorsque l'interdiction vient concernant un sujet lié aux mœurs, cette interdiction signifie que c'est détestable. Cette interdiction signifie que c'est détestable. Mais l'avis le plus juste concernant cela, comme on l'a déjà cité plusieurs fois et plusieurs fois et plusieurs fois, c'est que lorsqu'on a une parole montrant une interdiction dans le Coran ou dans la Sunna, cela signifie que l'acte est interdit. Jusqu'à preuve du contraire. Jusqu'à ce qu'il y ait une preuve qui nous montre que non, c'est permis. Voilà pourquoi l'avis le plus juste, inshallah ta'ala, c'est l'avis donc de Abu Hanifa et Al-Zahiriya. Sauf que ici, Al-Zahiriya qalu innal mar in istanja bil yamin fala yujzi. Al-Zahiriya, ils ont dit que la personne, si elle se purifie après ses besoins avec la main droite, alors sa purification n'est pas valable. La personne se purifie avec la main droite, puis elle va faire ses ablutions, elle va prier, on lui dit, ta prière n'est pas valable. Pourquoi ? Parce que tes ablutions ne sont pas valables. Pourquoi ? Parce que tu ne t'es pas purifié correctement. Pourquoi ? Parce qu'il s'est purifié avec la main droite. Et que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a interdit de se purifier avec la main droite. Walakin, hada, khata. Ça, c'est une erreur. Pourquoi ? Pourquoi c'est une erreur ? Pourquoi est-ce que la personne, lorsqu'elle se purifie avec la main droite, sa purification est valide ? Je veux plus clair. Min al-adab, c'est-à-dire ? Le fait d'utiliser la main droite, ça fait partie du bon comportement. Et donc, ça veut dire que c'est mustahab ? Ou c'est wajib ? Ou du moins, c'est-à-dire que c'est détestable de le faire ou que c'est interdit ? C'est détestable de le faire. On a dit que c'est interdit tout à l'heure. Ouais, non, du coup. Alors, en fait, tu peux très bien dire que c'est interdit. Comme il le dit Cheikh Najmi, il dit que celui qui fait cet acte, il fait un acte interdit. Mais sa purification est valide. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas en train de faire un acte d'adoration. C'est pas un acte d'adoration. Rappelez-vous, on avait dit Aslan, dans le fait de se purifier les parties, il n'est même pas conditionné d'avoir l'intention de le faire. C'est pas une condition que tu aies l'intention de te purifier. Il se peut que toi, tu sois évanoui, que quelqu'un vienne le fasse pour toi, tu te réveilles, c'est fait. L'impureté, elle a été enlevée, ça suffit. Ce qui est voulu ici, c'est que l'impureté disparaisse. À partir du moment où l'impureté a disparu, khalas. Maintenant, est-ce que toi tu es pécheur parce que tu l'as fait avec la main droite ? On va te dire oui. Pourquoi ? Parce que le prophète l'a interdit. Tayyib, mafhoum ? Ok. Thumma qala al-mu'allif rahimahullah. An Ibn Abbas radiyallahu anhuma qala, marra an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam bi qabrayn fa qala إِنَّهُمَا لَا يُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ. Le prophète, selon Ibn Abbas, qui dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est passé à côté de deux tombes. Puis il a dit, certes, ces deux-là se font châtier. Et ils ne se font pas châtier pour quelque chose de grand. Est-ce que ça veut dire qu'ils se font châtier pour des petits péchés ? Et donc, c'est pas quelque chose de grand, c'est-à-dire que ce n'était pas quelque chose qui était difficile à éviter. Ils auraient pu éviter cela, mais ils ne l'ont pas fait. Pourquoi ? on revient à la première chose, parce que pour eux, ce n'est pas quelque chose de grand. Et donc, qu'est-ce que c'est ? فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنَ الْبَوْلِ. Ou alors, du moins, نَعَمْ فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنَ الْبَوْلِ. Donc, le premier, il ne se protégeait pas correctement de l'urine. Lorsqu'il accomplissait ses besoins, il ne faisait pas en sorte que l'urine n'atteignait pas ses vêtements ou autres. Et ça nous montre l'importance de faire attention à ça. Lorsque tu fais tes besoins, il faut que tu fasses attention à ce que l'urine ne revienne pas sur tes vêtements. Il faut faire très attention à cela. Et le deuxième, il marchait entre les gens avec, en faisant du colportage. À droite, à gauche, il faisait du colportage. Et donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a pris une branche verte. Branche verte, pourquoi est-ce que j'ai traduit par branche verte ? Parce que, wallahu alam, c'est ce que je pense qui est plus proche dans la traduction. Ce qui est voulu par ratba, c'est quelque chose qui est, c'est pas quelque chose qui est humide, c'est quelque chose qui est vivant. On a, donc, ici, sur terre, tout ce qui est vivant, tout ce qui est vivant, a en lui, donc, de l'humidité. Tout ce qui est vivant. Et contrairement à ce qui est sec. Même chose pour les plantations. Pour une plante, on va voir une plante qui est fanée, dans la langue française, qui est sèche, on te dira qu'elle est morte. Et donc, ce qui est voulu ici par ratb, c'est pas qu'elle est humide, c'est que c'était une plante, du moins une branche qui était encore verte. Une branche verte. En français, une branche verte, c'est-à-dire une branche vivante. Taïeb ? Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a prise, il l'a cassée en deux. Fararaza fi kulli qabrin wahida. Il a donc planté dans chacune des deux tombes un morceau de cette branche. Faqalu ya Rasulallah, lima fa'alta hadha? Les compagnons lui ont dit au messager d'Allah, pourquoi tu fais cela? Qala la'allahu yukhaffifu anhuma ma lam ya'basa. Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se peut que il diminue de leur châtiment tant que ces deux branches n'ont pas séché. Tant que ces deux branches n'ont pas séché. هذا الحديث دليل على عذاب القبر وقد أجمع أهل السنة على عذاب القبر ونعيمه وأنكر ذلك المعتزلة. Et donc ce hadith est une preuve montrant l'existence des châtiments de la tombe. Et les gens de la sunna sont unanimes sur l'existence des châtiments de la tombe et des délices de la tombe. Cependant, le groupe intitulé, appelé du moins Al-Mu'tazila, ont rejeté cela. وأخرج البخاري عن عائشة أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر فقال نعم عذاب القبر. Et Al-Bukhari l'a cité selon Aïcha radhiyallahu anha qu'elle a demandé au prophète صلى الله عليه وسلم concernant le châtiment de la tombe. Le prophète صلى الله عليه وسلم a répondu oui, le châtiment de la tombe. Et donc il a confirmé que le châtiment de la tombe existe. وفي رواية. Et dans une version, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Innahum yu'adhabun adhaban tasma'uhu al-baha'imu kulluha. » Et donc dans une version, il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, « Certes, ils sont châtiés d'un châtiment que tous les animaux entendent. » Que tous les animaux entendent. « Qalat Aisha, fama ra'aytuhu ba'du fi salatin illa ta'awwada min adhabi al-qabr. » Aïcha l'a dit, et donc je ne l'ai pas vu après cela, je ne l'ai pas vu dans une prière sans qu'il invoque la protection contre le châtiment de la tombe. Et nous, mes frères, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il invoquait la protection d'Allah contre le châtiment de la tombe. Que devons-nous dire de nous-mêmes? Voilà pourquoi nous devons insister sur cela, nos frères. Ne pas nous précipiter. Parfois, certains sont pressés. Ah, on est pressé, c'est une sunna. C'est là qu'on arrive à ce sujet. C'est une sunna. On a appris dans le cours que ça, c'est une sunna. C'est une sunna, ça veut dire, c'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire, ça veut dire, je ne le ferai pas. C'est pas ça que ça veut dire, c'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire, ça veut dire, tu ne prends pas de péché. Ça veut pas dire, tu ne le fais pas. Parce que tu délaisses un très grand bien. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, il le faisait. C'est toi qui en as besoin. C'est toi qui en as besoin. Allah tabaraka wa ta'ala n'a pas besoin que tu le fasses, mais c'est toi qui en as besoin. Ensuite, wa fil hadith khuturat an-namima wa 'adam al-istitar min al-bawl wal hadith dalil 'ala annahuma kabiratan. Et donc, il y a dans le hadith le danger quant au fait d'accomplir le colportage. Et certes, on a déjà fait plusieurs cours sur ce sujet entre Maghrib et Isha concernant le danger du colportage. Et peut-être qu'on va le refaire, inshallah ta'ala. Ça serait bien peut-être dans une khutbah, wallahu a'lam. Et aussi, le danger lié au fait de ne pas se protéger de son urine. Et cela montre que cela fait partie des grands péchés. Ce hadith est une preuve que cet acte fait partie des grands péchés. Donc nous devons faire attention et ne pas minimiser nos actes. Wa fil hadith shay'un min khususiyat an-nabi sallallahu alayhi wa sallam bi annahu kana yasma'u ma la yasma'u an-nas. Il y a dans ce hadith aussi quelque chose qui montre une des spécificités du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car il entendait ce que les gens n'entendaient pas. Innahuma la yu'adhaban, certes ces deux-là se font châtier. Et donc il entendait ce que les gens n'entendaient pas. Et il y a en cela, les frères, il faut qu'on médite. Je vais essayer de faire vite, inshallah ta'ala, c'est pas grand-chose. Il faut qu'on médite, les frères, à ce genre de choses. Qudratullah tabaraka wa ta'ala, la puissance d'Allah tabaraka wa ta'ala, il fait ce qu'il veut. On est combien dans cette pièce? On est tous différents. Certains sont plus minces, certains sont moins minces, certains sont plus grands, certains sont plus petits. La voix qui change. On est combien? On est tous différents. Allah tabaraka wa ta'ala a accordé à certains des capacités qu'il n'a pas accordées à d'autres. On médite juste sur la femme enceinte. La femme enceinte, elle va prendre des odeurs. Certaines femmes enceintes, elles ont l'odorat qui est développé à un point qui est choquant. Elle prend des odeurs, tu te dis, subhanallah, comment se fait-il que je ne prenne pas cette odeur? Et c'est là que tu dois réfléchir à la puissance d'Allah tabaraka wa ta'ala. Parfois, c'est des odeurs. Mais il y a aussi le fait, il faut que tu saches qu'il y a aussi des choses qu'on ne voit pas, des choses qu'on n'entend pas. Il faut que tu te rendes compte de ta faiblesse, la faiblesse de l'être humain, que nous sommes limités. Et que nous devons nous en remettre à Allah tabaraka wa ta'ala. Beaucoup qui ont peur des djinns, etc. Remets-en-toi à Allah tabaraka wa ta'ala. Remets-en-toi à celui qui entend et qui voit toutes choses. Pas besoin d'un « Ah, il me faut absolument un raki. Ah, on fait le tour des mosquées, etc. à droite à gauche. » Akhi, Allah, il donne à qui il veut. Allah, il donne à qui il veut. Et donc, ça encore, ça aussi, c'est encore un rappel montrant la puissance d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et enfin, al-jarida, la branche. Le fait que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a mis donc les deux branches dans la tombe. Est-ce qu'aujourd'hui, un frère peut aller à mon oncle, il a été enterré, je vais mettre une branche verte dans sa tombe. Inch'Allah, pour que Allah il diminue son châtiment avant que cette branche ne sèche. Hadithun fi sahihayn. Le hadith, il est dans Bukhari et Muslim. On ne va pas venir me dire hadith da'if, hadith inventé, etc. etc. Fi sahihayn. Chez le Bukhari et Muslim. Qu'est-ce qu'on dit? Hein, Youssouf? Ah, mashallah, Jamil, Jamil. Et donc, cela fait partie des spécificités du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Hada min khususiyat al-nabi, sallallahu alayhi wa sallam. Kama anna sima' al-azab, kadhalika min khususiyatihi. Et donc, cela fait partie des spécificités du prophète, de la même façon que le fait d'entendre le châtiment faisait partie de ses spécificités. D'ailleurs, les sahaba lam yunqal an ahad minhum annahu fa'ala dhalik. Il n'a pas été rapporté d'un seul des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il faisait cela. Et donc toute personne qui veut faire cela, tu lui dis, mais attends, qu'est-ce qui te fait dire qu'il se fait châtier dans sa tombe avant de dire, ouais, mais peut-être que ça va diminuer son châtiment? Non, non, non, non. Tu ne sais pas. Cela est spécifique et propre au prophète sallallahu alayhi wa sallam. On va arrêter là pour aujourd'hui. Et c'était donc le dernier hadith du chapitre. On commence donc demain le chapitre suivant. Mais par contre, après demain, il n'y a pas cours. Enfin, après demain, il y a le séminaire, inshallah ta'ala, wafakallahu al-jami'a. لما يحبه ويرضاه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وفيكم بارك الله